Lloyd Chomal Kai Mamao, pour t'al parler pour vous, parce que vous toi fréquent. Il même dit déclaré, si tel maladie, yo van moins à marcher. Sans seul bagaille pour me faire, si l'aile tombe troisième, c'est mettre qui croise au lit. Le sal a respecté, la vie n'a doré, la pas genou n'a pied. Yo jour, li vin parat li di, bonjour chéri. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas parler. Après, vite rencontrer, dit tomber embrasser, moi faire déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté matissant, mal et la caille sans son. Tombé fait mauvais sang, tombé craché sang, puis venez convaler. Passé, ils ont fibré, mais et puis ils se veulent. Ils comprennent nos flèches pour brésiller. Et monsieur fatigue m'a prié. Et c'est moi qui connais ça, m'a passé. Sans fibré, mais et puis ils se veulent. Ils comprennent nos flèches pour brésiller. Pour des voisinages, car mettre la tripotaille, il avait coûté ça mon appétit. Si vous me réveillez, ma vie chérie, et puis pour des voisinages, il a mettre la tripotaille, il avait coûté ça mon appétit. Et où m'aimer, ma biche. Gardez qui j'en ou fait ma prégoire. Et ma chérie, ou qu'on aime qu'un corps. Tout ça ou v'lé, ma passe telle. Et dis-moi, pour me consoler. Et gardez qui j'en ou fait ma prégoire. Ma chérie, ou qu'on aime qu'un corps. Tout ça roule, ma passe telle. Et tu viens au timon pour me consoler. Et lui, quand on coupe des voisinages, et quand on était dans la tribotaille, il y a goûté ça, mon appétit. Si vous me réveillez, ma vie chérie. Et lui, quand on coupe des voisinages. Capete una tripotai, io racconte sa mon avvicino. Se umre me ma vicegi.

monde m'a joué pour consoler. Allez qu'il est oui, mais là je vais mourir. Qui monde m'a joué pour consoler. Vas-y, on peut faire des yeux. Vas-y, on peut faire des yeux. Vas-y, on peut faire des yeux. Il faut courage.